Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. On a une nouveauté italienne pour donner le coup d'envoi de ce premier bloc musical et c'est une nouvelle formation qui a pour nom Teodicea. Et c'est un groupe qui a été formé par un ex-membre de Alliant, le groupe italien qui est d'ailleurs est sur le point de nous présenter un nouvel album en passant. Donc c'est Enrico Filippi, le claviériste, qui a contribué aux deux premiers albums de Alliant, c'est-à-dire Formé Libéré en 2017 et Soul Confiné en 2019. Donc un nouveau groupe avec cet ex-claviériste d'Alliant. Et l'album a pour titre Il Mondo Esausto. Ce soir, on va entendre la pièce Il Viaggio del Moro et on demeure en Italie avec une nouveauté qui n'est pas tout à fait nouvelle, c'est-à-dire c'est une réédition et c'est plus qu'une réédition parce que l'album a été réenregistré complètement. C'est le tout premier album de Odessa qui a pour titre Stazione Getsemani. L'album est paru en 1999 et le nouvel album a pour titre Stazione Getsemani 25 pour souligner le 25e anniversaire du lancement de cet album. Et évidemment, ça a été enregistré avec la formation actuelle d'Odessa qui compte dans ses rangs Marco Fabri, l'ex-batteur de The Watch. Et puis Marc, par la suite, on va avoir une autre réédition, cette fois-ci en provenance du Royaume-Uni. Oui, en effet, il s'agit de Tiger Moth Tales, qui est le projet de Peter Jones, qui faisait paraître leur premier album en 2014, Cocoon. L'album est revisité, donc on a ici Cocoon 10e anniversaire. Sur cet album, il y a des nouvelles pièces, dont Return to Chickwick, une pièce autobiographique. Mais ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est la pièce The First Lament. Et ce sera suivi de la formation britannique Kite Parade, qui feront paraître le 4 octobre prochain leur troisième album intitulé Disparity. Kite Parade, c'est le projet de l'artiste Andy Foster, et sur cet album, c'est lui qui joue et réalise toutes les pièces. Alors pour vous ce soir, on aura la pièce Fraternal Angels, et comme vous le disait Michel, on débute d'abord ce bloc musical avec une nouvelle formation italienne, Teodicea. Thank you. capital metropolis. Do you sense the greed or feel the need or share the best? Or rules do you concede? We groovy flocks is popping out, pursue a way into the winter snow. A mirror blows it. Fictitious walls. If only they could fly and rise above the lies that opulence bestows. And they could all reach out to new horizons. One day could change the world, make it beautiful. De retour à Terra Incognita avec Marc Chaunet et Michel Bilodeau. Pour cette seconde demi-heure, on va remonter dans le temps et ça se passe en Italie avec le groupe Alpha Taurus. On va avoir un extrait de l'album Atto Secondo qui a été lancé en 2012, donc ça fait déjà 12 ans. Le groupe a fait ses premiers pas au début des années 70 et l'album Alpha Taurus est paru en 1973, un album marquant pour l'époque, mais en pleine session d'enregistrement pour le second album, le groupe s'est dissous et c'est la maison Mello qui a présenté cet album finalement, là, qui a pour titre Dietro l'Uragano en 1992, et ce, même si l'album n'était pas terminé. 8 ans plus tard, finalement, le groupe se reforme et récupère des pièces de cet album non terminé pour finalement présenter en 2012 Atto Secondo. Ce soir, on vous présente un extrait de cet album et c'est pour souligner la parution imminente du tout nouvel album de Alpha Taurus. L'album a pour titre 2084, Viaggio nel Nulla, et ce disque va être lancé le 4 octobre prochain, donc vendredi prochain. et soyez assurés qu'on va vous en présenter des extraits. Et puis, tout de suite après, on va avoir d'autres extraits de l'album de Odessa, Stazione Getsemani. Et on aura cette fois deux pièces de cet album qui a été complètement réenregistré. Et Marc, par la suite, on se dirige du côté du Royaume-Uni. Oui, et ce sera un second extrait à l'émission de ce nouvel album de Stockfish, une formation du Royaume-Uni, effectivement, qui a présenté au début septembre leur quatrième album, tout simplement intitulé 4. Et la formation se présente sous forme de quintette. Ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est la pièce Skies Fall. Et comme vous le disait Michel, on débute ce bloc musical avec la formation italienne Alpha Taurus. Guardo il cielo e mi immagino lassù, viaggiatore tra le stelle. Vedo un sole che scalda sempre più forte, ma non illumina la luna. Sono ghiacciai che non torneranno indietro. Così piccolo non mi son mai sentito, da chi dipende il mio domani. We'll pioggia in faccia ha interrotto il mio volo. Ho solo lacrime. we rise above it all. We're floating from the surface to hear the angel call, to find our secret purpose. Waiting. De retour à l'émission Terra Incognita, pour le troisième bloc de l'émission, on aura entre autres la formation australienne Anubis, qui a été fondée en 2004 à Sydney et qui ont réalisé jusqu'à maintenant 6 albums. Leur plus récent vient tout juste de paraître au mois de septembre et il a pour titre The Unforgivable. Mais ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est un extrait de leur second album A Tower of Silence avec une excellente pièce intitulée The Passing Bell. On aura également une nouveauté, c'est une formation de Québec. Ils viennent de faire paraître leur premier album. Le nom de la formation c'est NO3-, comme la formule chimique pour le nitrate. Ce sont trois musiciens, Pierre Côté, Carl Tremblay et Jacques Lemay. C'est une autoproduction de composition originale, c'est du rock atmosphérique, instrumental, vraiment très bon. L'album a pour titre Émergence. Alors on aura pour vous ce soir un premier extrait avec la pièce Opus 3. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une excellente formation de la Norvège. Oui, Marc, une formation qu'on apprécie beaucoup tous les deux, et c'est Troika, une jeune formation qui en est à son troisième essai. L'album a été lancé récemment, et là, je veux dire le titre, là, mais c'est sûrement pas la bonne prononciation, de Strobe Mork, et on écoute la pièce Aldri Alti, ce qui signifie « jamais, toujours ». Thank you. andre får det meste. Du ender som en skygge, fanget i det trygge igjen. Igjen, igjen. Andre gjør en motstand, alltid si seg enig i seg. Ende over, ende som en skygge igjen. Glöm din bil, jag går. Oh, all alone. Where did I go wrong? No protection from the words that Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation de Rome Project, qui est le projet de Vincenzo Ricca, claviériste, qui comporte la participation de plusieurs artistes très connus. Alors, dans la pièce qu'on aura pour vous ce soir, qui est pour titre Non Omnis Moriar, on a entre autres la participation de David Cross, qui a été le violoniste de King Crimson pendant quelques années. David Cross qui sera en spectacle à Québec au Palais Montcalm le 25 octobre prochain, avec en première partie la formation québécoise Myriodor. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une formation du Royaume-Uni qui a débuté dans les années 90 et qui a présenté d'excellents albums dans les années 2000. Oui, il s'agit de la prolifique formation britannique Big Big Train. Ce soir, on vous présente un extrait de l'album Folklore, paru en 2016, et on écoute à l'instant London Plain. Down to the river bank, and the mudlarks search on the shore, where the watermen set sail for the towns upstream, upon a golden course to Runnymede. Reaching for the last light. are stopped and boats are held. No matter, I am now. conclure l'émission ce soir, on a une formation originaire de Cuba. Ce qu'il faut bien l'avouer est très peu courant. C'est Anima Mundi. On va voir un extrait de l'album The Way, paru en 2010. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Et je vous convie à nous revenir la semaine prochaine pour un bon 2 heures de rock progressif. Restez à l'écoute, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de CKRL. Now and then of your life, you are closer to your real home. If you send to the sun's mansion, rising yourself from the kingdom of darkness.